Combat, préparez-vous à nous détruire. Combat, préparez-vous à nous détruire. Tu te demandes bien qui c'est, et qui lâche autant de phrases sur autant de thèmes. C'est la Comera. La Comera approche depuis que des M. T'apportes des phrases qui ne font que gay. Le commandement de la base prend de la grande forme, mon putain de gay. Menace, ça va saigner. Dédicace des balles qui poussent pour mon DGC. LMC qui est Gros 91 ne peut que te tirer. La vraie capitale de l'Essonne demande à pas ça, c'est crié, tiré. Mon kiff, chauffer la boucle. L'équipe fout la cagoule, c'est speed comme une emboule. Mais viens si t'as des coups, c'est le cric avant les doutes. Mais sont dans ta caisse quand tu roules. Mais viens si t'as des coups. Ça ne vient pas de New York, en commande LA. Dans ta vie, tu me blesses dans la merde que tu m'as rue. La peut pleurer. Il était temps, il était temps donc il le fallait. Comera dans les bars, préparez-vous à nous détester. Combat, préparez-vous à nous détester. Combat, préparez-vous à nous détester. Soldat du 9-1, j'écris mon texte sur 5-5 dans le hall 1. Tu veux le code, c'est 3-5-0. J'arrive louche comme un cheveu dans la soupe, avec un message lourd de la part de la cité de Dieu. On vient faire côté la côte du rap français. Donnez-nous Paname et tous les autres comptés. Et si les mecs nous suivent, mais qui pourra nous tester? Comera Combat, préparez-vous à nous détester. T-O-N-Y-I, va fanculo. Gilberto, trois corps, je suis le fils de la pénombre. Chirurgien de la cité, on opère toujours en nombre. On oublie scalpel dans le ventre de ceux qui veulent faire de l'ombre. Je répète, T-O-N-Y, fils de la pénombre. Chirurgien de la cité, on opère toujours en nombre. On oublie scalpel dans le ventre de ceux qui veulent faire de l'ombre. Menace, notre album, juste pour faire un peu d'ombre. Combat, préparez-vous à nous détester. Combat, préparez-vous à nous détester.